Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première émission automnale de Connaître Ensemble, l'émission pour tout savoir sur le monde de la périnatalité par les étudiantes en pratique sage-femme de l'UQTR. En ce matin du 6 octobre, nous allons vous présenter la programmation de l'automne, puis nous aborderons le thème d'aujourd'hui. Pourquoi fait-on des enfants? Vous êtes sur les ondes de CIFU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ici Jessica Boulanger, qui animera en alternance avec Véronique Bazinet. L'équipe radio est constituée cette année d'étudiantes au baccalauréat en pratique sage-femme de première et de troisième année. Commençons avec les thèmes pour cette saison. Donc, le thème de l'émission prochaine sera le développement des maisons de naissance. On traitera des projets pilotes et du processus pour développer des maisons de naissance. Il y aura deux invités, Christine Saint-Onge, chargée du projet de développement d'une maison de naissance dans la Naudière, et Sophie Baudouin-Dion, qui nous présentera l'histoire des maisons de naissance. Par la suite, on abordera la reconnaissance des acquis. Alors, on traitera des enjeux des sages-femmes formées ailleurs qui veulent se faire reconnaître comme sages-femmes au Québec. Nous parlerons, entre autres, avec une étudiante de première année qui a été formée et qui a travaillé 8 ans comme sage-femme au Maroc avant de venir au Québec. Par la suite, il y aura l'herboristerie et l'ostéopathie. Dans cette émission, nos invités nous informeront sur la façon dont ces outils peuvent nous venir en aide tout au long de la période périnatale, tant pour maman que pour bébé. Par la suite, nous aurons les AVAC et la pièce de théâtre Naissance. On aura une discussion sur la pièce de théâtre Naissance et on présentera du nouvel organisme AVAC Info avec qui nous jetterons un coup d'œil sur l'AVAC en 2010. On abordera aussi le congrès Enfanter et le monde. C'est un congrès qui aura lieu le 25 et le 26 novembre en 2010 qui se tiendra à Québec. C'est un congrès sur les pratiques optimales en périnatalité. Nous vous ferons part des faits saillants du congrès ainsi que des résumés de diverses conférences et plénières. Ensuite, on traitera de la naissance orgasmique. Dans cette émission, orgasme et accouchement se rencontrent. Nous démystifierons le concept de naissance orgasmique et nous parlerons des conditions propices pour y arriver. Ensuite, on parlera de l'attachement. Dans cette émission, nous traiterons tout d'abord de l'attachement prénatal, puis nous parlerons du processus d'attachement chez les nouveau-nés, accueillant pour répondre à nos questions deux étudiantes en psychologie de l'Université Laval qui font leur thèse sur ce sujet. On abordera aussi le savoir-être de l'accompagnement et le deuil périnatal. Cette émission portera sur le vécu du deuil périnatal, soit le deuil qui suit la perte d'un enfant en cours de grossesse, à l'accouchement ou dans les premiers jours, semaines ou mois suivant la naissance. Comment le deuil périnatal se vit-il aujourd'hui? Quels sont les rôles des intervenants de la santé? Quelles sont les ressources pour les parents et l'entourage? Ce seront des questions que nous tenterons de répondre. Avant d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je vais faire une petite introduction de la profession sage-femme. La pratique a été légalisée en 1999. Une sage-femme, c'est une intervenante de première ligne, sécuritaire et professionnelle qui s'occupe de la période périnatale. Donc, elle fait des suivis complets, incluant l'accouchement naturel et le postnatal jusqu'à 6 semaines après la naissance. Elle fait partie du système de santé publique québécois, ce qui veut dire que ses services sont couverts par le régime d'assurance maladie du Québec. Elle se base sur des lignes directrices philosophiques, ce qui inclut l'humanisation de la naissance, la continuité des soins, le respect de l'autonomie des femmes et son droit à un choix éclairé, le soutien par le milieu communautaire, la sécurité de la mère et de l'enfant, ainsi qu'une autonomie professionnelle et une collaboration interprofessionnelle. Le baccalauréat en pratique sage-femme s'échalonne sur 4 ans de formation universitaire dans lequel les étudiantes acquièrent une base solide, autant théorique que pratique. Cette dernière partie s'effectuant à travers les stages en maison de naissance et à domicile, ainsi qu'en milieu hospitalier. L'émission « Connaître ensemble » a vu le jour il y a 3 ans suite à l'initiative d'un groupe d'étudiantes de première année. Et le flambeau s'est transmis d'année en année jusqu'à nous aujourd'hui, avec une plateforme très intéressante pour partager notre passion de la profession avec le public et entre étudiantes. « Connaître ensemble » se veut une émission d'information, de discussion et de réflexion sur les différents sujets touchant la périnatalité, c'est-à-dire la suite d'étapes allant de la préconception jusqu'à la période postnatale. Cette émission s'adresse donc à tous ceux et celles qui se sentent interpellés, de près ou de loin, par la périnatalité. Nous sommes donc heureuses d'être la troisième cohorte d'étudiantes à reprendre la barre de l'émission. Connaître ensemble sera diffusé en direct tous les mercredis de 10h à 11h sur les ondes de CIFU 89.1 FM et sera prochainement disponible en balado-diffusion sur Internet au www.uqtr.ca/co-naître. Notez bien que les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion de l'équipe de l'émission Connaître ensemble et ne peut être associé avec aucune autre organisation et ne reflète aucunement l'opinion des sages-femmes. Pour notre toute première émission de la saison, nous allons aborder une question qui, bien que fondamentale, a subi beaucoup de transformations au cours de l'histoire. Pourquoi fait-on des enfants? Alors, nos sociétés occidentales ont connu au cours des dernières décennies d'importants changements sociaux qui ont profondément transformé le désir d'avoir des enfants. Par exemple, le développement de nombreuses techniques de contraception et de reproduction assistée nous ont mené à être de mieux en mieux outillés pour avoir ou ne pas avoir d'enfants et aussi susciter plus notre réflexion dans ce sens-là. Il n'y a donc jamais eu une aussi grande part de volonté dans le processus d'avoir des enfants. Bien que de plus en plus rationnelle, cette question reste à l'intersection de nombreux facteurs psychologiques, physiologiques et sociaux. Donc, en raison de la multitude d'éléments qui le composent et l'influencent, le désir d'enfant n'est pas toujours clairement ressenti ni compris par tous les parents et les futurs parents. C'est pourquoi, dans la prochaine heure, loin de vouloir apporter une réponse unique et claire, on va essayer d'explorer les différentes motivations du désir d'avoir un enfant. On va se baser sur l'excellent dossier qui est paru en mars 2009 dans le magazine français Philosophie, qui est intitulé « Pourquoi fait-on des enfants? ». Ensuite, nous aurons une entrevue avec Annick Sainte-Marie, dont la vie lui a porté le temps nécessaire et les expériences pour réfléchir à son désir d'enfant, qui elle aussi est également étudiante en pratique sage-femme. Alors, pour commencer, on va y aller avec une petite capsule historique avec Maude. Bonjour Maude. Oui, bonjour Jessica. Oui, bonjour Jessica. Alors, pour mieux comprendre la situation actuelle, il est toujours pertinent de commencer par regarder comment c'était dans notre histoire. Alors, dans le Philosophie magazine que tu as cité précédemment, il y avait un article bien intéressant intitulé « En avoir ou pas » qui est écrit par Pierre-Henri Tavoyot. Dans cet article, l'auteur a fait un portrait des réponses que nous aurions sûrement obtenues à travers l'histoire si nous avions posé la question « Pourquoi des enfants ?» ou « Pourquoi ne pas en avoir ?» Bien sûr, les réponses ne sont pas exhaustives, mais l'auteur a essayé de faire ressortir ce qui exprimait le plus les pensées des quatre grandes périodes de notre civilisation occidentale. Alors allons-y avec l'Antiquité, donc au temps des Grecs et des Romains, la position nataliste était vraiment en avant-plan selon l'auteur. Pour eux, l'homme était par nature destiné à vivre en famille, et faire des enfants était aussi la garantie des parents que quelqu'un s'occuperait de leurs vieux jours. Mais plus profondément que ça, pour les citoyens de l'Antiquité, faire des enfants était pour eux une sorte d'assurance-vie. Comme le dit Tavoyot, la continuité du nom, la ressemblance, l'héritage sont dès l'Antiquité des éléments permettant à l'individu éphémère d'imaginer qu'une part de lui perdurera. De l'autre côté, pour ceux qui n'en voulaient pas, la raison principale était selon l'auteur qu'il préférait la gloire ou la philosophie. En effet, à cette époque où la politique, donc la guerre, était la principale occupation des citoyens, les hommes d'élite préféraient atteindre l'immortalité par la gloire de leur nom que par une descendance nombreuse. Puis les philosophes, quant à eux, pour pouvoir se consacrer à la philosophie qu'ils considéraient comme l'activité la plus digne, mieux valait ne pas s'encombrer d'enfants. Alors, quelques siècles plus tard, soit au Moyen Âge, les raisons d'avoir ou non des enfants avaient déjà beaucoup changé. Dans cette ère chrétienne, autant la position nataliste qu'antinataliste était intimement reliée à la volonté de Dieu. Alors les gens avaient le choix, se marier et avoir des enfants, ou renoncer à la vie familiale pour se consacrer entièrement à Dieu, ce qui était réservé aux hommes d'Église. Il faut ajouter aussi que dans la religion chrétienne, l'enfant a un rôle particulièrement sacré, Dieu s'étant incarné dans l'enfant Jésus pour venir sur terre. Alors, pour les femmes du Moyen Âge, l'enfantement relève donc du devoir moral envers Dieu, bien plus que d'un choix personnel. Puis sautons encore quelques siècles et entrons maintenant dans la période moderne, aux alentours du 18e siècle. À cette époque, pourquoi avoir des enfants? Selon Tavoyot, pour régénérer l'humanité. En effet, c'est entre autres avec le penseur Jean-Jacques Rousseau que l'enfant a commencé à avoir un rôle moral à cette époque-là. Dans un contexte de démocratisation et de laïcisation, l'enfant est devenu de plus en plus un être enseignant aux hommes à être bons, à avoir de la pitié pour les autres. C'est à cette période-là de l'histoire que l'enfant est devenu donc l'espoir d'un progrès de l'humanité, en quelque sorte. Il faut donc faire des enfants pour revitaliser le monde. Mais à ça, on pourrait opposer l'argument antinataliste qui repose plutôt sur le fait que l'avenir commence à être entrevu comme quelque chose de terrifiant. En effet, comme le dit l'auteur, dès lors que l'avenir s'assombrit, ne faut-il, pour préserver la vulnérabilité enfantine, s'abstenir d'avoir des enfants dont le destin sera la souffrance? Alors, arrivons maintenant à notre époque contemporaine, où la réponse serait encore probablement bien différente. Alors, pourquoi les gens aujourd'hui veulent-ils avoir des enfants? En une phrase, la réponse du Philo Magazine, pour être soi-même. En effet, selon l'auteur, la parentalité apparaît désormais comme la condition de l'accomplissement personnel. On voit l'avènement d'un droit à être parent qui seul permettrait d'accéder à une humanité de plein exercice. Alors, non seulement l'enfant permet de régénérer l'humanité comme c'était le cas dans la modernité, mais c'est aussi une voie privilégiée qui permet l'accomplissement personnel d'un humain. Alors, dans la même ligne d'idée où l'accomplissement individuel est devenu un droit, la position antinataliste serait plutôt que l'enfant est un obstacle. En effet, dans l'article, il est souligné qu'on peut refuser toute descendance au nom de la réalisation de soi. Comme le dit l'auteur, l'enfant, à l'ère de l'individu, apparaît comme un triple obstacle à la libération de la femme, à une vie de couple épanouie, à la réalisation de soi. Bon, alors voici, Jessica, c'était mon bref survol historique des différentes perspectives de l'enfantement. Pour approfondir un peu plus le sujet, je vous invite à consulter l'article « En avoir ou pas » de Pierre-Henri Tovoyot, qui est paru dans le Philosophie magazine de mars 2009. Merci Maude pour cette capsule très enrichissante. Maintenant, explorons les motivations contemporaines du désir d'enfant. Pour ce faire, nous ferons un survol des résultats d'un sondage mené auprès de 1000 Français, qui est paru dans le même magazine, le magazine Philosophie, à qui on demandait « Quelles sont les raisons privilégiées pour faire des enfants? » Les motivations ont été regroupées en trois grands volets, soit par plaisir, par devoir ou par amour. Les personnes interrogées avaient la possibilité de choisir l'une des trois raisons que je viens de mentionner, faisant en sorte que les résultats que nous allons vous présenter ne totalisent pas 100%. Donc, les trois raisons principales qui ont été évoquées sont « Un enfant rend la vie de tous les jours plus belle, plus joyeuse », qui a eu une popularité de 60%. Cela permet de faire perdurer sa famille, de transmettre ses valeurs, son histoire, dont 47% des personnes ont répondu. Un enfant donne de l'affection, de l'amour et permet d'être moins seul quand on vieillit, avec 33% de réponses. De façon générale, à travers le sondage, on note qu'un fort pourcentage des réponses renvoie à une sphère individualisée d'un moi qui décide ou rêve d'avoir un enfant. Ici, on observe que la parentalité devient de plus en plus liée au développement de soi. Un moi qui cherche à approfondir sa vie, un moi qui cherche à devenir adulte, qui bien sûr était plus populaire chez les jeunes avec 34% de réponses, ou encore un moi qui veut laisser une partie de soi après la mort. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Alors le sondage démontre étonnamment des résultats assez similaires, peu importe le statut social, le statut matrimonial ou les pratiques religieuses. Alors allons-y d'abord avec le désir d'avoir des enfants pour le plaisir, qui a eu, je vous rappelle, 73% de réponses. Ce thème est intimement lié aux évolutions médicales et sociologiques depuis les années 70. Les progrès médicaux desquels on parle, c'est celles des approches à l'enfantement, donc la contraception, la fertilisation in vitro, les mères porteuses, les banques de sperme. On peut aujourd'hui avoir un enfant en dehors des structures familiales et de la biologie conventionnelle. Selon l'auteur Jeanne Burgard-Goutal, elle dit « On ne fait plus d'enfants par accident, encore moins pour contribuer à la prospérité sociale, mais pour éprouver un surplus de plaisir individuel. » Le désir d'enfant maintenant est dissocié de la reproduction est devenu un processus conscient. On s'éloigne de plus en plus de la pulsion vitale dite irrationnelle. Une autre des motivations intéressantes à explorer est la conceptualisation de l'enfant en tant qu'œuvre et miroir de ses parents. Le banquet de Platon en 380 avant Jésus-Christ illustre bien ça. On donne naissance pour soi, dans la perspective que l'enfant soit notre œuvre, l'expression d'un talent grandiose et de perpétuation de notre existence. Alors l'enfant a pour destinée de remplacer ses parents après la mort. Cette façon de penser est largement influencée par la mortalité humaine ainsi que par la quête vers l'immortalité. Le désir d'enfant pour le plaisir amène à un paradoxe souci. Comme vous le savez, avoir des enfants, ça inclut de nombreuses responsabilités, beaucoup de nuits blanches. Cela mène à une aliénation acceptée, un don de soi dans la relation parent-enfant. L'auteur Jeanne Burgard-Goutal mentionne « La procréation conduit l'ego à se dépasser en croyant se satisfaire. » Cette citation termine les raisons de l'enfantement pour le plaisir. Allons explorer maintenant celle du devoir, qui a une popularité de 69%. Ces raisons sont en relation avec le fait de ne pas vouloir d'enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à justifier lorsque on a un désir d'avoir des enfants en société, mais le fait de ne pas en vouloir peut décevoir la famille, les amis, puis va susciter beaucoup d'incompréhension de la part de l'entourage. Il y a clairement une pression qui s'exerce de façon plus ou moins dissimulée quant au désir d'enfant. Le devoir d'enfanter peut donc se comprendre en deux façons, soit la foi sociale et éthique. Allons-y avec le volet de pression sociale et le conformisme. Donc, cette pression-là va se manifester par les politiques de périnatalité, et ce, à travers le monde. On peut prendre comme exemple la Chine, dont le gouvernement impose une régulation d'un seul enfant. Donc, on va parler ici plus d'antinatalisme. Au Québec, ça va être l'inverse. Le gouvernement va mettre en place des mesures incitatives telles que l'augmentation du congé de maternité et de paternité dans l'optique de faire augmenter le taux de natalité. Donc, ici, on va parler de natalisme. Cette pression peut influencer le choix des parents à avoir des enfants. Puis aujourd'hui, on voit même un certain baby boom. Un autre aspect de la pression sociale, c'est celui de l'importance pour certaines familles de perpétuer un héritage familial, comme la continuité du nom de famille, des valeurs ou des traditions. Mais c'est de moins en moins présent dans les sociétés occidentales. En ce qui concerne le choix éthique, on va parler beaucoup plus d'un enfant qui va être conceptualisé comme un cadeau à la vie. Donc, c'est de la part des parents, c'est une façon de c'est comme un remerciement au don de la vie qui leur a été fait. Allons-y maintenant avec les raisons d'avoir un enfant par amour, qui a eu 43% de réponses. Nous avons pour la plupart grandi avec les histoires de contes de fées, les films de Walt Disney, qui a une finalité de bonheur, l'amour menant à avoir des enfants. Qui n'a jamais entendu la phrase « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». L'enfant va prendre la place dans notre imaginaire comme le fruit naturel de l'amour. On peut penser aussi au fait on peut percevoir l'enfant comme étant le résultat de ce qu'on appelle faire l'amour. Et dans ce contexte-là, on va se reproduire dans un acte de jouissance et de désir. L'enfant peut aussi avoir un rôle important dans la relation du couple. Selon Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, elle dit « L'amour qui les révèle à l'autre les extrait du monde ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans sa théorie, les couples se créent une bulle sentimentale et l'enfant viendrait briser ce face-à-face sentimental et ramènerait cet amour dans le monde. L'enfant peut être aussi vu comme incarnation vivante de l'amour. Donc, ça va permettre au couple une certaine visualisation physique et temporelle de leur amour. Donc, leur amour va devenir palpable. Cette façon de penser à c'est à double tranchant. L'enfant peut être vu comme assurant aussi la durée et l'objectivité à l'amour et n'est peut-être pas prêt à assumer ce rôle. À travers le sondage, on sent aussi que les parents sont plus prudents face aux motivations d'ordre sentimental, puisque c'est l'aspect qui a eu le moins de réponses. Donc, notre hypothèse, on sait que l'amour doit pas être idéalisé. Avant de continuer avec notre émission, faisons une courte pause musicale avec Jean Leloup sur « Faire des enfants » suivi d'une pause publicitaire. Petit nom, c'est Louis. Rebonjour. Alors, nous venons d'entendre Louise Attaque avec À plus tard, Crocodile. Alors, avant de continuer notre émission, faisons avec le sujet d'aujourd'hui, pourquoi fait-on des enfants? Jusqu'à là, on a exploré la question de façon surtout philosophique. Maintenant, nous allons aborder une expérience plus personnelle en souhaitant la bienvenue à Annick Sainte-Marie, notre invitée de la semaine. Je te remercie, Annick, de te joindre à nous aujourd'hui. Alors, on va mener une petite entrevue. Elle va nous parler de son expérience de sa vie. Alors, ma première question qui nous intéresse, c'est comment est né ton désir d'avoir des enfants? mon désir d'avoir des enfants est né depuis très longtemps, je dirais. L'âge à laquelle j'ai commencé à jouer aux poupées, peut-être, environ. Je me rappelle que quand j'étais toute petite, j'étais accro des filles de Caleb, puis ça a resté. Je pense que c'est probablement des valeurs qui m'ont été transmises par ma mère, ma famille, mon père. Ma mère vient d'une famille... Ben moi, je trouve qu'elle vient d'une grande famille, mais 8 enfants, en 1950, c'était tout à fait normal. Chez nous, on est 2, moi puis mon petit frère. On s'est battu plus qu'une fois. Non, pas battu, mais en tout cas. Si on avait été 4-5, ça aurait été un peu plus dilué, je pense. Puis, mais sinon, mon désir d'enfant, il vient depuis que je suis vraiment tout petite. Puis, il est toujours resté intact. OK. L'autre question qu'on se demandait, c'est comment tes raisons d'avoir des enfants, ça s'est modifié à travers tes expériences? En étant restée intacte, c'est sûr que j'ai grandi, j'ai évolué. Mes raisons en tant que telles n'ont pas vraiment changé, je te dirais. Ma projection de moi-même dans une famille a évolué énormément, c'est sûr. Je me suis vue avec plein d'enfants. On va commencer par 12. Après ça, je voulais mon premier à 18 ans. À 18 ans, j'avais pas de chum. OK, on va descendre à 8, à 6. Maintenant, j'ai presque 30 ans. J'en ai pas encore. Fait que je me dis que quand je vais avoir 4 enfants, là, je vais être vraiment heureuse, mais j'irai pas plus bas que ça. Peux-tu nous parler un peu de ton cheminement d'avoir des enfants? Mon cheminement, je pense que les enfants ont toujours fait partie de ma vie. Comme je te disais, depuis que je suis toute petite, que j'en rêve. Ça a évolué, mes rêves se sont transformés. Mais il y a été un temps où les enfants sont sortis de ma vie. Je voyais plus comment j'allais arriver à atteindre mes objectifs de vie. Puis en réalité, quand on a le temps là, de les attendre, les enfants, là, on a le temps de passer plusieurs sous-sujets qui touchent le comme tu disais tantôt, ça peut correspondre au développement personnel. Donc moi, j'ai évolué beaucoup. Je pense que j'ai pris le côté, je te dirais, presque écologique du « vais-je ou ne vais-je pas avoir d'enfant? » La planète étant ce qu'elle est, l'humain étant ce qu'il est, j'en suis rendue à un point où je me dis que c'est peut-être pas une si mauvaise décision que ça de ne pas avoir été jusqu'au bout dans, mettons, les projets de fécondation in vitro puis toutes ces choses-là. Il y a des enfants qui sont déjà vivants, il y a des enfants qui ont besoin d'une mère, il y en a un qui m'attend peut-être à quelque part. Puis c'est ça, puis je me dis, ces enfants-là sont déjà là, je pousserai pas la nature pour... aller plus loin que ça. On l'a déjà fait, ça a fait mal, on est guéri de ça, on est un couple plus fort maintenant, mais je te dirais que ça va rester là. Puis les enfants qui existent déjà, on va essayer de les aider à grandir avec les valeurs qu'on a, qu'on veut leur transmettre, puis à surtout respecter la nature. C'est ça. J'ai un genre de leitmotiv dans la vie, là. Puis les Amérindiens, eux, essayait de poser des gestes qui n'allaient pas causer de dommages à l'environnement de la septième génération qui allait les suivre. Je sais que je peux pas faire ça parce que la semaine passée, j'ai juste compté rapidement, là, puis deux générations prend environ 150 ans, là, puis fait que j'utilise du plastique à tous les jours. On oublie ça, je vais toucher à la septième génération, c'est sûr, mais je vais essayer de réduire mon empreinte écologique pour le bien des enfants qui vont venir sur la planète, que ce soit les miens ou ceux des autres. Bon, sachant que tu as une contrainte biologique, est-ce que ça l'a attisé ton désir d'avoir des enfants? Est-ce que ça l'a joué dans ton désir? C'est exactement ça. Je crois pas que ça l'ait attisé, mais ça l'a éprouvé, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour probablement que dès le tout jeune âge, je savais déjà que j'allais être infertile. Puis c'est peut-être ce qui a développé en moi, je te dirais surdéveloppé en moi, le désir aussi ardent d'avoir des enfants. Je veux pas être ésotérique, là. J'y crois-tu, j'y crois pas. Des fois, j'y crois, des fois, j'y crois pas, là. Quand ça me tente, là. Mais il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. Mais c'est sûr que, tu sais, le jour où j'ai appris à 12 ou 14 ans que j'étais infertile, le médecin m'a dit ça comme si, écoute-toi, dans la vie, tu n'auras jamais d'enfant. Puis je me suis mis à pleurer, puis la personne ne comprenait pas, tu sais, mais c'était déjà profondément ancré en moi. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs années par la suite où là, je savais plus où mettre, je savais plus quoi faire de ma peau. Écoute, toutes mes raisons de vivre venaient de tomber. Puis ça a pris un long moment, plusieurs années, plusieurs rainbows, plusieurs voyages. Avant de rencontrer les gens que j'avais à rencontrer, qui allaient m'aider à retrouver une branche dans mon chemin, là. Et puis, c'est ça, j'ai rencontré une amie qui était enceinte, qui a décidé d'être suivie avec une sage-femme. Elle m'a demandé de l'accompagner à son accouchement avec la sage-femme. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, et de un, je veux des enfants, et de deux, je veux être sage-femme. C'est une belle histoire. Peux-tu un peu nous décrire un peu plus ton désir d'accompagner les femmes? Maintenant, pour toi, qu'est-ce que ça prend comme signification en corrélation avec ton désir d'avoir des enfants? Est-ce que c'est lié? Est-ce que tu vois ça que c'est lié ou c'est deux choses séparées? Comment tu conceptualises ça dans ta tête? Bien, présentement, je suis en arrêt de stage. J'ai eu le temps, justement, là, j'ai fait mes deux premiers stages, j'ai accompagné plusieurs femmes et je te dirais que j'ai mis de côté un peu mon désir d'enfant pendant ces stages-là. J'ai essayé de mettre de côté un petit peu certaines de mes émotions parce que j'aurais facilement pu tourner dans la jalousie ou dans l'envie ou dans quoi que ce soit. C'est sûr que quand tu reviens chez toi après 10 jours où tu étais à l'autre bout du Québec, c'est pas vraiment à l'autre bout, là, mais quand même, quand t'es pas chez vous pendant 2 semaines, tu reviens dans ta maison, t'as senti le bébé, t'es imprégné d'odeurs de bébé, de sons, de cris, de femmes enceintes, de bédaines, de c'est donc beau, puis tu reviens chez vous, puis la maison est vide. C'est sûr que ça joue à un moment donné. Je te cacherai pas que ça l'a influencé là, mes émotions. Puis on m'avait dit, tu vas voir, ça va combler un vide. Oui, puis non en même temps. C'est une situation paradoxale qui est pas évidente à vivre. Mais mon désir d'accompagner les femmes, on dirait que là, depuis que j'ai vécu cette expérience-là, je peux plus reculer. Je peux juste avancer parce que ce que j'ai vécu a été tellement beau, tellement intense. Puis moi aussi, ça m'a fait grandir là-dedans. Maintenant, je suis en arrêt de stage, pas pour rien. Donc, moi aussi, je vais former ma famille avec mon chum, puis dans pas très longtemps, probablement. Donc, c'est ça, mais je vais juste pouvoir être encore plus outillée. Je vais pouvoir laisser un côté... Je vais pouvoir laisser un côté de mon désir, de moi, un côté peut-être un petit peu plus sombre dans mon cœur pour m'ouvrir complètement aux femmes que je vais accompagner dorénavant parce que j'aurai plus d'envie. Je vais pouvoir y aller à 100% Contrairement à ce que j'ai fait dans mes deux premiers stages où je sentais pas que je pouvais y aller à 100% dans l'accompagnement. Bon, il y a toujours la peur, tu sais, ah, t'as pas vécu l'accouchement, t'as pas eu d'enfant, tu sais pas trop. Tu sais, c'est soi-même qui se juge à quelque part là-dedans. Les gens nous jugent pas particulièrement, là. Mais là, je sens que je vais pouvoir me libérer de ça. Ah, ben, je l'espère pour toi. Donc, justement, tantôt, tu mentionnais que tu avais un chum. Je me demandais, pour lui, qu'est-ce que ça signifie, avoir un enfant? Est-ce que pour lui aussi, il y avait ce même désir que toi? Ou comment vous avez vécu ça? Oui, absolument pas. Il n'y avait pas ce... Avant de me rencontrer, je crois pas qu'il y avait le désir. En fait, c'était une case vide là dans sa vie. Il n'avait pas réfléchi à ça particulièrement. Toutefois, quand on s'est rencontrés, il y avait presque 30 ans. Donc, rapidement, ça l'a... surtout que moi, j'ai poussé fort. Je voulais pas avoir mon premier enfant à 35 ans. Il n'y en était pas question. Parce qu'à 35 ans, un jour, tu peux te dire aussi, « Ah, ben je suis bien. Hein? On est bien dans notre petite vie. » Donc, c'est ça. Ça a été dur. Mon chum, il en voulait pas tant que ça. Surtout que c'est une personne qui aime laisser aller les choses dans la vie, laisser la nature prendre le dessus, puis offrir ce qu'elle a à t'offrir. Là, c'était pas le cas. Fallait qu'on choisisse, fallait qu'on décide, qu'on agisse, puis qu'on aille, qu'on prenne les devants sur la nature. C'est pas facile pour lui, puis pour moi non plus. Donc, c'est ça. Ça a été des moments, des hauts, des bas. Ça joue dans les entrailles d'un couple, l'infertilité, je te dirais. Mais, aujourd'hui, par contre, il est 100% là-dedans, puis... il va de l'avant, puis même il me surprend de jour en jour à foncer, puis parfois même à foncer plus que moi. Ah, ben c'est bon. La prochaine question. Si tu avais choisi entre les trois motivations, tantôt on s'en parlait durant l'émission, on a mentionné, bon, un enfant né du désir pour le plaisir, ou par le sens de devoir, ou encore par amour. Toi, comment tu décrirais ton désir par rapport à ces trois catégories-là? des mauvaises réponses. Je pourrais pas te dire aucune de ces réponses. Toi-même, tu vas pouvoir la classer, ma réponse, je pense. Mais moi, personnellement, c'est l'accomplissement, le désir de devenir adulte qui m'habitait quand j'étais petite. Puis aujourd'hui, j'en suis une. Malgré le bébé, hein, y a des choses, des fois, qui se font toutes seules, comme ça. Mais... te dire, si je les place en ordre, là, je te dirais l'amour, le devoir puis le plaisir. Le fait d'avoir tout le temps voulu être une adulte, je voyais pas la case plaisir là-dedans, moi. Aujourd'hui, je la vois plus. Parce qu'aujourd'hui, tous mes amis ont des enfants puis je les vois qui s'amusent quand même. Ils sont pas juste des adultes, là, quand on est jeune. Ben, moi, j'ai un cerveau très cartésien, je te dirais, là. Donc, je séparais les choses. Mais maintenant, je vois que dans le fond, c'est un mélange de tout ça, là. C'est un mélange pour tout le monde de tout ça, je pense. Oui, puis tu as mentionné aussi par amour. Si tu pourrais détailler un peu plus, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant par amour? Je sais que ce sera pas... Les enfants, c'est des réservoirs infinis d'amour, je pense. Hein? Ils vont t'en prendre tant que tu vas vouloir leur en offrir. Donc, moi, je connais ma capacité à aimer. Mais j'ai pas eu encore mon enfant à moi. Alors, je soupçonne que d'avoir un enfant dans notre vie peut nous faire décupler au centuple l'amour qu'on pense qu'on est capable d'avoir. Puis, tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte d'aimer un enfant. J'ai hâte parce que toutes les personnes qui m'ont dit « T'as pas idée comment est-ce que tu l'aimes, ton enfant », c'est ils ont tellement les yeux brillants, ces gens-là, quand ils en parlent. J'ai hâte de voir c'est quoi cette magie-là. Donc, c'est surtout ça. Parce que oui, l'enfant t'aime, mais des enfants, c'est là pour en prendre. C'est là pour prendre tout ce que tu vas leur donner. Ils vont grandir avec notre but dans la vie. Quand on a un enfant, on le sait pas toujours, mais c'est quand on éduque nos enfants, c'est de les aider à devenir indépendants de nous. Fait qu'il y a une séparation qui se fait à chaque jour de la vie, dans le fond, là, avec les enfants. Donc, le cœur de mère... c'est sûr qu'il reste sensible, puis il est éprouvé tout le temps, mais c'est ça, la vie. C'est beau ce que tu dis. Donc, la prochaine question, donc on va revenir encore un peu au sondage. Je me demandais si, parce que le sondage affirme que le désir d'enfant, c'est très lié au développement personnel. Fait que je me demande, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, ben ça doit être vrai pour bien des gens, mais... Ben oui, c'est sûr, j'en ai aucune idée, sérieusement. Ça doit tellement dépendre du monde, des développements. Regarde, moi, j'en ai voulu depuis que je suis jeune, des enfants. Puis le désir est resté malgré le développement, malgré les aléas de la vie. Je suis pas certaine. En même temps, c'est sûr que c'est lié, mais c'est lié différemment pour chaque individu, je pense. OK, puis pour toi? Toi, dans ton développement, tu sens-tu que c'est lié? Oui, ça m'a suivi toute ma vie. Ça m'a accompagné. Le désir d'enfant m'a accompagné toute ma vie. Mais il n'est pas né un jour à l'âge de 25 ans en me disant « Oh mon Dieu, je voudrais des enfants avant qu'il soit trop tard. » Puis j'ai pas senti que j'allais... que je voulais des enfants pour évoluer. T'sais. Oui, c'est l'accomplissement. Mais c'est l'accomplissement de tous les individus qui veulent des enfants pour peu importe la raison. On se demandait aussi, c'est quoi les démarches que tu as entreprises pour avoir un enfant? Ah ben, mes petites curieuses, oui. ben nous, on a, comme je vous ai dit tantôt, on a fait la procréation assistée, la fécondation in vitro. Je trouve ça déplorable que le gouvernement paye maintenant pour ça. Pas parce que moi j'ai payé, vraiment pas, mais parce qu'il y a tellement d'autres choses que le gouvernement pourrait faire pour éviter l'infertilité, faire plus de campagnes sur les ITS qui rendent les femmes infertiles. On apprend, là, dernièrement, en 2009, il y avait une recrudescence de plein d'ITS qui étaient pas en voie de disparition, mais qui avait chuté. Puis là, il y a une recrudescence. C'est quoi? Ben remettez les cours de FPS, envoyez des sages-femmes dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Ils vont les renseigner, les jeunes. Faut leur parler aux jeunes. Ils vont pas deviner, là, dans vie. C'est pas le fun d'aller acheter des condoms, là, à pharmacie. Mais quand t'as une conscience que ça va jouer sur ton avenir, ben peut-être que, tu sais... Parce que moi, je me rappelle que si j'avais pas eu de cours de formation personnelle et sociale au secondaire... ça m'aurait passé 10 pieds par-dessus la tête m'acheter des condoms. Tu sais, il n'y a pas juste le danger d'enfant. Tu sais, je veux dire, il y en a pour qui, mais là, je dis danger d'enfant, il y en a pour qui c'est un danger. Avoir un enfant quand tu as 14 ans, c'est pas la meilleure chose au monde quand c'est pas ça que tu veux. Mais il y a plein de choses, tu sais, donner un accès plus grand au remboursement, au report du remboursement de la dette étudiante, faciliter la conciliation travail-famille, faciliter l'accès à l'adoption. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites plutôt que de payer t'sais, de la poche de tous les contribuables la reproduction assistée qui coûte des milliers de dollars. T'sais. Mm-hmm. Fait que il y a ça, finalement. Bon, je reviens à mes moutons. Il y a ça qu'on a fait. Puis, il y a aussi l'adoption en banque mixte. Ça, c'est une sorte d'adoption qui est différente. T'es famille d'accueil dans le but d'adopter l'enfant. Donc, c'est ça. Il y a de plus en plus de couples, j'ai l'impression, qui font ça. Ça commence à être connu. Ça, c'est les enfants de la DPJ, dans le fond, qui sont enlevés à leur famille, qui vont dans une famille d'accueil d'urgence pour finir chez vous. C'est ça. C'est des enfants qui sont à haut risque d'abandon la plupart du temps. Donc... nous, c'est là-dedans qu'on se dirige, là. Mm. Puis à travers ton cheminement jusqu'à maintenant, comment tu t'es sentie à travers, comme la fécondation assistée, dans tes démarches d'adoption, comment tu t'es sentie à travers tout ça? Je vous donnerai une image, là. La fécondation in vitro, écoute, c'est ordinaire. Quand tu vois ton chum avec un gros casque de chirurgie puis un masque de chirurgie habillé en couleur de chirurgien puis que tu te dis « Ah ouais, c'est là qu'on s'en va faire un enfant, là, de même, là. » Je voulais même pas me regarder dans le miroir, là, cette fois-là, parce que tu peux pas croire, là. Tu sais, là, j'ai réalisé la portée de l'acte de faire l'amour. C'est ce moment-là que, c'est exactement à ce moment-là que j'ai réalisé, c'est donc beau. C'est donc beau faire un enfant. Tu fais la chose la plus fun au monde, puis tu crées la plus belle chose au monde. C'est génial. La vie est tellement bien faite, tu sais. Puis c'est ça. Sinon, ben, tu sais, le cheminement de fécondation in vitro, de faire ton enfant, de créer un enfant qui va te ressembler, qui va ressembler à ton conjoint, et pour abandonner ça et se diriger vers l'adoption, il y a des deuils à faire. C'est sûr, la grossesse, l'accouchement. Moi, j'avais hâte de sentir c'était quoi une contraction, là. Je suis peut-être folle, mais c'était un but pour moi, c'était important, là. Je voulais le relever. C'est pas grave, tu sais. Je me suis dit, écoute, on va faire ça spirituel, nous autres aussi, puis on va aller se monter une montagne de l'enfer, puis tu créeras pas ça, comment je vais avoir mal dans les mollets. J'aurai pas mal dans le ventre, je vais avoir mal ailleurs. Mais je voulais me donner un très grand défi à relever dans lequel personne d'autre allait pouvoir le faire à ma place. Pareil comme un accouchement, dans le fond. Tu sais, quand tu montes une montagne, il n'y a personne qui peut te prendre sur ses épaules, là, à part quand tu es petit, mais tu sais, quand, bon, c'est ça, tu sais, il faut que tu le fasses, t'as mal, mais tu continues. Je suis pas obligée, là, puis tu sais, je peux être pris pour une weird un peu, mais pour moi, c'était important parce que je voulais comprendre qu'est-ce que les femmes vivaient quand on les accompagnait du mieux qu'on pouvait, puis que quand même, ils sont toutes seules dans la douleur, tu sais. Je voulais vivre cette douleur-là, puis je voulais vivre le fait d'être toute seule à pouvoir m'aider. Fait que on l'a fait, mais finalement, là, on va le refaire. C'est intéressant. Ben oui. Aussi, je me demandais, est-ce que tu vois ça comme un droit à être parent? Ah ouais, j'ai de la misère à répondre à cette question-là. Écoute, tu sais, le droit d'être parent, oui, dans un sens, mais c'est pas un droit que le reste de la population devrait avoir à payer, par contre. Je pense pas que ce soit un droit tant que ça. C'est un droit parce que c'est vraiment dommage. C'est très lourd à porter quand on peut pas le vivre, quand on peut pas. C'est quelque chose de très lourd à porter. Mais le droit là-dedans, il devrait être plus le droit au soutien, le droit à une compensation affective ou je sais pas trop là exactement. Mais on devrait pas avoir droit tu sais, peu importe les raisons et peu importe la façon d'atteindre l'objectif. Écoute, on a-tu tout droit à la santé? Ben non, tu sais. Il y a des gens qui sont quadriplégiques, il y a des gens qui ont la sclérose en plaques, ben il y a des gens qui sont infertiles, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, là. C'est surtout ça. C'est comme on nous dit à l'adoption, l'adoption, c'est pas un droit, pas un cadeau, mais je cherche mon mot, là, mais un privilège, exactement. Puis je pense que d'avoir des enfants, à quelque part, c'est entre le droit puis le privilège. Le privilège, ouais. OK. Ouais. Donc, c'était très intéressant ce que tu nous as dit. Je sais pas si tu voulais ajouter peut-être quelque chose pour terminer ton entrevue, si tu avais autre chose à nous dire. Oui, en fait. Ben, vas-y. Puis c'est quelque chose que j'ai réalisé dernièrement. Oui, c'est douloureux l'infertilité, c'est douloureux d'attendre. Bon, tu sais, moi, c'était mon objectif de vie d'avoir des enfants. On m'a dit un jour que je pourrais pas l'atteindre. Oh mon Dieu, ma vie était, tu sais, c'était un échec. À 25 ans, je me suis retrouvée. Par chance au Guatemala avec 80 petits gars qui m'entouraient, là, ça l'a allégé le choc, là. Mais tu sais, j'avais pas de chum, pas de maison, donc pas d'enfant non plus. Mais j'ai fini par réaliser, dans le fond, que tu sais, c'est pas parce que on n'atteint pas nos objectifs. Moi, étant quelqu'un de cartésien, je me disais, je voyais ça comme un échec de ne pas pouvoir réaliser mes objectifs. C'est pas un échec. La vie nous réserve ce qu'elle a à nous réserver. Puis nous, notre échec ou notre réussite, c'est comment on va réagir face à ce que la vie nous réserve, finalement. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir une réussite entre les mains. parce que j'ai réalisé que mes objectifs de vie, là, je pouvais très bien les atteindre. Ça me prenait juste un peu d'imagination. Les 12 enfants, là, ils vont pouvoir m'entourer, mais je les aurais peut-être pas nécessairement portés. Mais tu sais, le but étant d'avoir une table pleine d'enfants, puis tu sais, de faire à manger pour tous ces enfants-là, de leur donner mes valeurs, puis tout. Mais tu sais, ça, là, je vais pouvoir le faire. Ça prend juste un peu d'ouverture puis d'imagination, finalement. Là. Mmh. Fait que je dis ça à toutes les couples qui n'ont pas encore d'enfants et toutes les couples qui sont infertiles puis en désespoir. Hein? Bon, mais je te remercie beaucoup, Annick. Merci à toi. Merci de ces mots de sagesse, puis d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis d'avoir partagé un si beau témoignage. Alors, je vous invite à l'émission de la semaine prochaine qui aura pour thème les services de sage-femme et le développement des maisons de naissance. Alors, Connaître ensemble est diffusé en direct tous les mercredis de 10h à 11h sur les ondes de CIFOU 89.1 FM et sera prochainement disponible sur notre site internet uqtr.ca/connaître. Nous tenons à remercier spécialement Rocio Vergas qui a préparé l'émission avec toute l'équipe. Et également, nous avons un groupe Facebook maintenant, Co-Naître Ensemble, qui sera en fonction dès aujourd'hui. Alors, au nom de toute l'équipe Connaître, je vous dis au revoir à la semaine prochaine sur les airs de Jean Leloup avec Faire des enfants. Depuis une heure dans un trou perdu, le malheur. S'acharnait sur moi ce jour-là, il me tenait, il me lâchait pas. Quand à minuit, oui, j'aperçois une limousine nec plus ultra. C'est le diable, je le connais, il me connaît, il me lâchera pas. Nous arrêtons le plan suivant, faire s'entretuer des tas de gens. Non sans avoir fait tout d'abord, brûler quelques énormes bâtiments. Non sans avoir fait tout d'abord, brûler quelques énormes bâtiments. Je me mets à l'ouvrage, oui, j'avoue d'abord un peu mollement. Puis enfin le cœur vient et allons-y gaiement. Il suffit d'exciter la connerie de tous ces braves gens pour qu'en deux temps et trois mouvements ils se mettent à se rendre.